Banyanga. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. C'est le 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Bienvenue à cette édition dont la mise en ordre est assurée par Rico Iman. D'abord les titres. Commémoration aujourd'hui du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le chef de l'État, dans son discours, appelle les autorités publiques à la bonne gouvernance. Et la radio-télévision Isanganiro RTI a ouvert ses émissions à partir de ce 1er juillet. Le directeur de ces stations, Sylvain Nakarutimana, a indiqué que la RTI vient promouvoir la vie du peuple burundais. Et le manque criant de l'eau potable fait parler de lui en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Vous l'entendrez dans ce journal. Rebonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les Burundais ont célébré ce 1er juillet le 59e anniversaire de l'indépendance. Dans son discours, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a rappelé les autorités publiques à la bonne gouvernance et a mis en garde de tous ceux qui se sont donné la mission de mal gérer les deniers publics. Le président de la République a appelé également cette date du 1er juillet la population burundaise à se réunir au sein des coopératives pour lutter contre la pauvreté. Le président de la République a clôturé son discours en primant une dizaine de personnalités qui ont bien accompli leur travail. La République rwandaise félicite le peuple burundais qui célèbre ce 1er juillet le 59e anniversaire de l'indépendance. Dans son discours, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, qui a représenté le président Kagame dans les festivités de l'indépendance du Burundi, a réitéré l'engagement du Rwanda à travailler avec le Burundi pour renforcer le partenariat stratégique, suivait le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente. Au nom de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je profite également de cette occasion pour remercier le Président Evariste Ndayishimiye de nous avoir invités à faire partie de ces moments heureux et historique pour votre pays. Nous sommes reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Bujumbura. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s'appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour cet anniversaire d'indépendance de la République du Burundi et de vous souhaiter prospérité, paix et succès dans la voie du développement de votre pays. Ces cérémonies ont vu la représentation de sept pays, dont la République centrafricaine, représentée par son président Faustin Archange Touadéra. Dans l'optique de préserver et de maintenir l'indépendance, le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, a demandé à la population de cette province d'accueillir chaleureusement leurs frères qui rentrent des camps des réfugiés, les aider dans leurs problèmes et signaler auprès de l'administration des cas difficiles à résoudre. Il a mis en garde des gens qui propagent des rumeurs qui sèment la haine sur des réseaux sociaux qu'ils seront poursuivis par des instances de justice. Le détail avec Abraham Safari. Dans son discours, le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, a interpellé à la population de Kirundo de préserver l'indépendance par l'accueil chaleureux des Burundais qui rentrent des camps de réfugiés ou ailleurs. S'il y aurait des gens qui trouvent ces biens pillés ou maisons démolies, le gouverneur a demandé qu'il y ait inventaire de ces personnes pour soumettre leurs problèmes auprès de l'administration afin de trouver solution solution. Albert Hatungimana a également rappelé à la population de Kirundo la bonne cohésion et éviter des rumeurs pouvant semer la haine entre les Burundais. Ici, il a mis en garde tous ceux qui propagent des histoires visionnistes sur des réseaux sociaux qu'ils seront tôt ou tard poursuivis par des instances de justice. Quant aux agriculteurs, il les a rappelés qu'il est temps de faire le labour dans les marais dans cette saison C afin d'augmenter la production, surtout qu'un grand puits a été érigé et qui va contenir plus de 600 000 litres et qui va arroser les champs se trouvant sur les collines des communes de Boussoni et Bougabira qui sont généralement touchées par l'ensoleillement. Les festivités étaient agrémentées par plus de 300 majorettes en provenance de toutes les communes de la province de Kirundo étant en tenue uniforme. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, début ce jeudi des émissions de la radio-télévision Isanganiro. Le directeur de cette radio-télévision qui l'a annoncé ce jeudi précise que les téléspectateurs peuvent capter la chaîne télévision sur satellite terrestre. Sylvain Nakartimana promet d'héberger la télévision Isanganiro sur d'autres plateformes. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous avons commencé par la retransmission en direct des festivités de la fête de l'indépendance. Et c'est une date très symbolique dans la vie de notre pays. Et donc, ça a été une bonne coïncidence que nous commençons nos émissions à cette date-là. Quels sont les téléspectateurs qui nous captaient au premier jour des émissions de la RTI? Les téléspectateurs qui nous captent, ce sont des gens qui habitent la région d'Imbo, l'ouest du Burundi, spécialement les gens qui habitent Bujumbura. Bujumbura, la mairie, et Bujumbura, la province. Les gens qui habitent la province de Cibitoke, Bubanza et l'est de la République démocratique du Congo. Les autres pourront attendre un tout petit peu parce que nous comptons aller sur satellite. Et si une fois nous sommes sur satellite, tout le monde pourra nous capter à travers tout le pays pourvu que ces gens-là puissent avoir des décodeurs de Star Times. Nous comptons aussi chercher d'autres plateformes comme Canal Plus pour que les gens qui utilisent Canal Plus puissent aussi nous capter. Et là, comme ça demande des négociations, ça demande aussi des moyens en termes financiers, nous pensons que ça va prendre un peu de temps et nous pensons que ça ne devrait pas normalement tarder parce que ça nous tient à cœur. Nous pensons que on fera tout notre possible pour que ça ne traîne pas afin que tout le monde puisse nous capter. Oui, et ceux qui vont capter la RTI vont la capter sur quel numéro? Ils vont composer le 132 sur Star Times. Je crois que ceux qui ont essayé d'ailleurs hier, ils ont vu les images. Même aujourd'hui, ils sont en train de voir les images. Je crois qu'il n'y a pas de problème jusque-là. C'était là le directeur de la radio-télévision Isanganiro. Les banques africaines font face à de nombreux défis dont la taille est critique. À côté de cela s'ajoute le manque de ressources humaines suffisantes. C'est ce qu'a dit ce mercredi le président des clubs de dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique lors de la présentation de l'ouvrage intitulé « Banques africaines, les grands défis ». Sylvain Bangimaga précise que le club compte organiser des journées avec des professionnels experts dans ce domaine pour réfléchir sur les solutions apportées à ces défis. Je propose de le suivre au micro de Moïse Misago. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une organisation africaine qui réunit les dirigeants de banques qui se réunissent régulièrement en 3 forums dans l'année pour essayer de réfléchir ensemble, d'avoir de l'information et de la formation pour essayer de développer le secteur financier et surtout en Afrique. Dans les grands défis que nous trouvons, c'était la taille de nos banques qui est encore une taille critique. À cela, il faudrait que les banques réfléchissent comment augmenter leurs moyens, les fonds propres, probablement, pourquoi pas, la consolidation pour constituer de grands ensembles et pouvoir financer les grands projets de développement des pays, mais aussi d'avoir une voix acceptable auprès de nos correspondants étrangers. Ce que nous faisons, c'est d'abord l'organisation des journées de réflexion comme celle-ci. Et nous allons accueillir nos confrères de l'Afrique en février 2022. C'est à ce moment-là qu'on va se réunir en professionnel avec les banquiers locales, mais aussi avec des universitaires, avec des experts de très haut niveau en la matière, pour réfléchir à comment juguler à ces défis. Deuxième chose, c'est qu'au niveau interne, on essaye de rester en dialogue avec les banques commerciales par rapport à la réglementation, pour voir de la réglementation qui incite plus au crédit, parce que nos économies africaines en ont encore besoin, et essayer aussi de moderniser nos instruments, parce qu'on est dans l'ère digitale, on ne va pas rester en arrière, et laisser de la place aux autres opérateurs qui ne sont pas du secteur. Poursuivons ce journal, il est 18h passé 10 minutes. Les bases de données sont utilisées quand on veut expliquer certains phénomènes sociaux. Explication du directeur général de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi lors de la deuxième session du colloque scientifique en statistiques appliquées et informatique décisionnelle. Nicolas Ndayishimiye précise que ces bases de données contiennent plusieurs informations. Celles-ci permettent aux décideurs de prendre une meilleure décision après les avoir analysés. Les détails avec Vestine Boutoy. Lors de ce colloque international en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et informatique décisionnelle, le directeur général de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi est l'un des conférenciers. Au cours de ses exposés, il a expliqué comment les bases de données éclairent certains faits sociaux. L'utilité des bases de données est de fournir des informations plus détaillées sur des phénomènes donnés ou bien sur une situation X donnée. Donc les bases de données contiennent énormément d'informations. Lesquelles informations nécessitent d'être analysées, traitées et utilisées pour renseigner sur certains faits ou bien certains phénomènes d'une société. Nicolas Ndayishimiye précise que ces bases de données guident les décideurs à prendre une meilleure décision. Selon lui, celles-ci sont utilisées quand on en a besoin. Les bases de données sont utilisées quand quelqu'un veut des informations plus détaillées. Ou bien quand quelqu'un veut comprendre tel phénomène, par exemple, pourquoi le niveau de fécondité au Burundi est élevé. Sur quel levier il faudra jouer pour que son niveau soit revu à la baisse. Donc c'est en exploitant ces différentes bases de données qu'on peut trouver des informations qui vont guider ceux qui décident à prendre des décisions. Cependant, son directeur général de l'ISTEBU déplore l'insuffisance du personnel qualifié et compétent dans l'exploitation des bases de données, ainsi que l'ignorance de l'existence de ces dernières. Les défis liés à l'utilisation des bases de données, c'est que d'abord, ça nécessite une bonne maîtrise, une bonne connaissance pour pouvoir les exploiter. L'autre défi, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de bases de données qui existent et que ces bases de données contiennent beaucoup d'informations. L'autre défi, c'est par rapport à l'exploitation de ces bases de données pour pouvoir renseigner certains phénomènes. Donc, ça demande un temps énorme. Ça demande aussi une patience. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi, appelle les chercheurs à s'adresser à cet institut quand ils ont besoin d'expliquer certains phénomènes sociaux à base des données et à mettre à la portée de tous les décideurs les résultats issus de leurs recherches afin que les concernés prennent des meilleures décisions. 18h16 à Rubirizi, où le manque d'eau potable fait parler de lui-même. Dans certains quartiers de cette zone, nous sommes en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Des habitants qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro, de la radio-télévision Isanganiro, affirment qu'ils utilisent l'eau de la rivière Nyakibira au Karombo pour les activités ménagères. Le chef de zone Ruididi confirme cette pénurie d'eau et demande à la Régie des eaux et les autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Le reportage est signé Didi Kahimbad. Nous sommes sur la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, juste sur la direction allant vers la zone Ruididi. Arrivé là, on voit le mouvement de va-et-vient des gens qui portent des bidons sur vélo ou à la main à la recherche de l'eau. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro déplore les difficultés rencontrées. Nous avons des problèmes liés au manque d'eau ici dans le secteur Ping. Par exemple, nous puisons de l'eau dans la rivière Nyakiziba ou à Karombo. Cette eau est sale et les gens se lavent. Ils font même de la lessive, mais nous l'utilisons ainsi. La cuisson, la lessive, la vaisselle. Nous utilisons cette eau vraiment souillée. Nous n'avons pas de choix. Pour s'approvisionner en eau potable, ces habitants du quartier Tenga disent qu'ils prennent une longue distance. Ils soulignent également des mésententes qui peuvent se régir suite à un grand nombre de gens qui se rencontrent sur un seul robinet public à la recherche de l'eau. On rencontre beaucoup de gens, presque la population de Tenga locale s'approvisionne sur un seul robinet. On peut aller à la recherche d'eau depuis 4 heures du matin et retourner à midi. Des querelles peuvent aussi surgir suite à son manque. Ici, nous avons vraiment un problème sérieux. Maintenant, je prends la route vers l'Ubirizi à la recherche de l'eau. C'est très loin d'ici. De même, c'est très fatigant. Jean-Marie Naishaki, chef de zone Ubirizi, affirme l'existence de cette pénurie d'eau. Cette question vraiment est connue. Il est là. On ne peut pas dire que c'est sur toute l'étendue de la zone Ubirizi, non. Par exemple, sur la colline de Tenga Rokari, Tenga Gawama aussi, et aussi sur la colline de Nyabunyegiri. C'est une question qui nous dérange beaucoup, puisque sur la population crie toujours à cause de l'eau. Vous comprenez très bien qu'il doit avoir quelques impacts qui doivent suivre. La situation est ainsi, alors que certains habitants de Tenga ont déjà payé à la régie des eaux pour avoir des compteurs, mais en vain. Nous n'avons pas encore eu la version de la régie des eaux pour qu'il s'exprime sur la pénurie d'eau constatée dans cette localité. Voilà, sur ce reportage de ma consoeur Lydie Gahimbare qui se referme à cette édition, mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Célébration aujourd'hui du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le chef de l'État, dans son discours a appelé les autorités publiques à la bonne gouvernance. Lancement aujourd'hui des émissions de la radio-télévision Isanganiro. Le directeur de cette station, Sylvain Nakartimana, a indiqué que la RTI vient promouvoir la vie du peuple burundais. Et le manque d'eau potable parler de lui en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Les habitants de la place crient au secours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimela pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Au revoir.